coin pété. Ce coin pété. C'est le... C'est... C'est le point pété. Le point pété. C'est... Le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui-là. Chill. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien. Bon. Bienvenue dans le point pété. Oui, le c'est point, le point pété. Le point le plus pété de toute la... De toute la pété. De toute la planète pété. De toutes les web radios, c'est la radio la plus pétée. La de planète pété. On est en ligne avec notre premier invité. On n'a même pas le temps de faire une introduction. Notre premier invité pété. Bonjour notre invité pété. Salut. Putain, tu nous as pété les oreilles. Je vous ai pété les oreilles pour mon plus grand plaisir. Tu nous as trop pété les oreilles. Est-ce que... qui êtes-vous, madame pété? Moi, je suis une des bonnes connes. Une des bonnes grosses pétées de la bonne conne. Je suis tant yes. à la pété. On adore les grosses pétées de la grosse bonne conne. Alors du coup, vous êtes Tata Lolo, vous avez dit. Qui êtes-vous, Tata Lolo? Oui. Oula, c'est bien moi, pour votre plus grand pété plaisir. Vous avez bu quoi, madame Tata Lolo? Qu'est-ce que j'ai bu? Ah, alors, qui va commencer à faire la liste? Tu veux commencer? Moi, j'aime bien les chroniques listées, les choses à dire. Mais que le soleil, ce qui est important, voilà, une bonne bien sûr. Bière. Mais 1, 2, 3. On est au coup de bon con. Ok, une ch... quand ils ont encore du soleil, très importé, trois petites bières, parce que plusieurs. Là, on délai de pif, quoi. Bouteille de pif. Attends, ou une bouteille? Bouteille de pif. Il a baf, t'es ensuite. Avec du vin. Il a baf. Là, ce soir, on était sur bio. Sans je peux vous dire que Marion Cobor, il est vide. Tata Lolo, il était bon. Vous nous racontez, vous pourriez nous raconter votre... Oh la vache. Oh, voilà, mes grosses pétées, même plusieurs pétées, peut-être quand même, on se tient. Avec moi? Ouais, avec gros, du gros... Oh, ça, c'est... Moi, vas-y Lolo, envoie. Tu vas peut-être gagner un... Ah, on va pouvoir gagner un loyer, yes, parce qu'en plus notre... Co- j'ai dit peut-être. La bonne pétée sous l'arbre. On avait aussi une autre acolyte, bien évidemment, une petite carte religieuse. Attendez, Lolo, voilà. Lolo, votre anecdote apparemment oui. ça saccade. Que je fasse, il faut que je fasse quoi? Alors, je vous propose de faire une pause. On va recommencer. Oui. Je vais redémarrer mon ordinateur. Ah bon, ça donne un petit peu de suspense. Et c'est reparti. On vient tout de suite. Je vous mets un. Ça roule la boule. Ce point pété, ce point pété. C'est le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends. Le point pété, ce point pété. C'est le... C'est... C'est le point pété. Le point pété, c'est... Le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui-là. Chill. C'est le point pété, deuxième essai, le point pété 2.0, Julien sort des toilettes. Le point pété 2.0. Et on est toujours avec notre première intervenante, Laura Goyer. Laura, ça va toujours? Zizi, j'ai le ravioli. On va demander à nos auditeurs si c'est toujours saccadé. Chers auditeurs, répondez-nous sur le Discord pour nous dire comment c'est... Si c'est bien, si c'est nul, si c'est... Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes saccadé ? Loulou, je vais relancer la première question. J'attends juste d'avoir des réponses. Il y a Chloé oui. Le Soulier qui est en train d'écrire sur le Discord. Un tout petit peu quoi ? Est-ce que c'est saccadé un tout petit peu ? Est-ce que ça marche un tout petit peu ? Je ne sais pas. Après, en fait, le problème, c'est que si ça marche pas, je sais pas quoi faire. Maison. Je sais pas quoi faire si ça marche pas. Maison. Julien, je sais pas quoi faire si ça marche pas. Et Julien, est-ce qu'il est... Camille, est-ce que Camille nous entend bien ? C'est qui ? Non, je crois que ça marche, ça va. On a Muriel Pénicaud en FaceTime quand même. C'est qui Muriel Pénicaud? Oh, Muriel, est-ce que tu me vois? Elle tient la langue comme hashtag. Ben, je crois que c'est l'ancien ministre de la Santé ou quelque chose comme ça. Bon, attends, Julien, on a quand même notre invité. On a quand même Laura. J'ai plein de choses à dire à Muriel Pénicaud. Je veux qu'elle ouvre le trou de mon cul et qu'on y fasse beaucoup de travaux parce qu'elle est pressée que les gens reprennent le travail dans le bâtiment. Ah, moi j'ai un trou à creuser, les gars. Je peux vous dire qu'il y a à faire. Hein. Ah, il faut y aller là. Hein, Muriel, tu peux y aller. Hein. Ramène ta pelle, ta pelleteuse. Et on y va. Hein. Et on creuse jusqu'à trouver le bout du tunnel. Hein. Bon, Tata Lolo, on voulait connaître ta meilleure pétée. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, ma meilleure pété. Si tout le monde nous entend bien, ah putain, je sais pas si je vais pouvoir parler avec l'accent comme ça longtemps. Non, mais t'es pas obligé. Non, mais très capable. Tu te sens pas obligé de parler avec l'accent du sud, hein, comme ça. Je pense que le jour de cette pété, nous parlions exactement comme ça. Parce qu'à la base, nous avions des idées de limonette. Limonade anisette. Anisette. De menthe pastille pour je suis prête à vous raconter. Oui, allez-y. Attendez, on traque, vous pouvez entendre le bruit? Le bruit de la trinque. Nous, ta plus grosse. C'est parti. Bon, la plus grosse pété dans la rangerie. Je suis pas sûre. Ah, super, je suis très contente. On peut décrire un petit peu le. Je vais le faire, hein, comme où mes parents habitent, où Alain et Soulard fait son confinement. C'est le. Je comprends rien. Parle à péter. Racontons un peu cette pété au mois d'août. Restons sérieux, oublions les accents. Laura, s'il vous plaît, si vous pouviez faire un peu plus vite. Je me dépêche, mais c'est vrai que je suis très longue et j'arrive à niquer les siphons, alors je vais faire vite. Personne. Trois femmes. Pérole. La soirée avec des bons cons, tout se passe bien. Soirée comme tu donnes bien. Et puis 3h du mat, et puis 5h du matin, et toujours, pardon, qui essaye de regarder Harry Potter, parce que nos boissons préférées à cet âge-là. Et puis, j'ai dit tout le nom. Ça saccade apparemment. Attendez, cette meilleure histoire. Julien, est-ce que vous pouvez couper votre ordinateur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éteindre votre... S'il vous plaît, Julien, éteindez-le, fermez-le. Restez avec moi. Éteindez-le. Oui. Éteindez-le. Mon ordinateur, ça te vient de s'évanouir. Éteindez. Alors, hop, cul. Tu télécharges des films de boule. Putain de merde. Hein. C'est l'émission la plus pétée de toute la radio des gens. Ah, oui, ouais, non, c'est parce que même les ordinateurs sont éclatés. C'est reparti, je pense que c'est bon. T'as pas envie de fumer une grosse clope. Sac à dépéter. Pardon. Coupé, saccadé. Allez, coupé, c'est parti. Pété, saccadé. Allez hop, il n'y a plus d'ordinateur. Lolo, racontez-nous votre plus grosse pété en commençant par le moment où vous avez dit qu'on regardait Harry Potter dans le salon à l'étarderie avec Madame Soulard, Madame Terrol et Madame Goyer. Super, j'adore quand vous dites en première parce que vous êtes le monument principal de cette histoire et ça me fait grand plaisir. Il était au moins 1000h du matin, c'est-à-dire peut-être 5h. Et puis, arrête. Vous alliez bientôt fêter votre anniversaire, me semble-t-il. Vous mais 18 ans. En pleine fête d'été. Et nous avons décidé, à trois dans le salon, sur à l'époque le canapé qui se dépliait en lit, de il place. Il se déplie toujours en lit. Il se déplie toujours en lit. Il se déplie. Ah, super, il se déplie toujours en lit ressort. Et là, je me souviens que Madame Juliette Guillet, si jamais nous écoute sur les ondes, vous avez offert une belle bouteille de champagne. Exactement. Bon champagne. Champagne qui pète quand on l'ouvre. Ah, et là, oui. Vous avez dit, ah que oui, là, on va faire péter une bonne grosse bouteille de champagne, Michel, parce que putain, le palmacho. Champagne, Michel. Champagne. Et voilà. Et alors, du coup, on s'est dit, bon, allez, c'est parti. Il est bien l'heure d'ouvrir ça, on va chercher la bouteille. Et il faisait très chaud. Ah, c'est-à-dire oui. Qu'il était chaud, très chaud au mois d'août. Donc on a ouvert la bouteille à cette époque. Attention les âmes sensibles, vous étiez en soutien-gorge, en soutif, oh. En petit truc et qui retient les pétés, quoi, les gougouttes. J'ai jamais fait ça. Et nous étions en notion de très chaleur. Et je me souviens de ce moment de vous qui teniez à peine debout en train de me dire... Laura, je vais l'ouvrir, cette bouteille. Champagne, Michel. Oh Lolo, Lolo. Lolo, ressaisissez-vous, voilà, merde. Et je vous ai filmé, en plus, je suis sûre que je pourrais retrouver oui. Cette... Et vous avez secoué la bouteille, vous l'avez tirée par tous les bouts, le bout du petit bouchon et la passe. Champagne, Michel. Wow. Et là, le champagne a coulé à flot. Mais ah, putain. Partout. Mais partout. Et en tout cas, le champagne, il a coulé all night long. All night long. On the floor, on the carnage. On the lit déguisé. On the salon. On the... Il s'est collé tout par terre, collé serré, tout collé le carrelage. On a ri pendant au moins mille minutes. Ah, par terre, à se coucher. C'était vraiment le meilleur moment de toutes mes grosses pétées. Et quand même, suite à ça, bon, ça, c'était vraiment le meilleur moment. On s'est quand même rhabillé et on a décidé d'aller festoyer cette pétée dans le bord de la Rouxière. Donc, à l'époque, on était pas en confinement. On n'était pas confinés. Donc, on est parti vers, je sais pas à quelle heure c'est ouvré, peut-être 8h. Donc, il était 7h30, 8h. De l'étarderie pour aller vers le bord de la Rouxière. Une petite épicerie qui vendait quelques petits substantements d'alimentation. Nous sommes partis à trois. Nous avons pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Et vous avez pris beaucoup de photos avec le champagne et beaucoup de photos de... Avec les maquereaux. Avec une bouteille de champagne sur nous. Et nous avons marché. Et puis je me souviens d'un moment aussi très important durant cette période. Je ne vais pas tout détailler, je vais vous raconter l'essentiel. Nous avons dit, nous allons poser cette bouteille à côté de chez Odette. Et Odette qu'on embrasse. À cette heure-là, on vous embrasse et on remercie d'avoir une haie et une maison. Nous avons caché cette bouteille non finie, histoire de la reprendre sur notre chemin du retour. Et à peine, 10 mètres après avoir posé cette bouteille, une voiture de police s'est passée à côté de nous, en nous regardant d'un petit peu « Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici, quoi ?» Et on était complètement pétés et ça n'est pas... Tout s'est bien passé. Personne ne s'est arrêté. Il était 8h du mat. Trois personnes complètement, totalement sobres, hein, j'ai envie de le dire, sur le bord de la route, allant chercher des maquereaux à la moutarde à l'épicerie de la Rouxière. Je ne vois pas où est le souci. Et tout est bien qui finit bien. Et nous avons une nouvelle anecdote, j'ai envie de dire, qui nous vient de, je crois, Chambéry. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu racontes? Lolo. Ah non, Lolo, on a une émission. Vous aviez un auditeur. On a. Qui est parti. Ah qui est parti. Oh qu'est-ce que tu dis? Ah mince, il est parti. Lolo, je vous remercie pour cette anecdote. Désolé, c'était trop long. Non, mais je raconterai la suite à tous ceux qui voudront un jour. Au prochain point pété, vous racontez la suite. Et au prochain point pété, j'en ai encore pour au moins 20 minutes à vous raconter la suite. Donc, restez connectés sur la radio des bons cons. Et vous avez intérêt à rester connectés jusqu'à la prochaine pété. Hein. Ok, Lolo, donc, merci. Je vous ai donné ce qui s'est passé. Bisous, Lolo. À bientôt, Lolo. Bisous. Bisous, Loli. Bisous. Alors, on continue ce point pété parce qu'on est des gros pétés. On va essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Alors, on va essayer d'appeler quelqu'un d'Agen. D'Agen. Je regarde dans mes contacts si j'ai des Agenais. Je crois que je dois avoir des Agenais. Hop. J'appelle quelqu'un avec qui je me suis mis une grosse pétée un jour. Pas qu'une fois, mais plusieurs fois, dont une fois qui était. Oh merde, son portable est éteint. Bon, écoute, on va essayer d'appeler autre. D'autre ? Dis-moi quelqu'un d'Agen. Charlène, je pense qu'il faut appeler Charlène. Il faut appeler Charlène. Alors, est-ce que j'ai le numéro de Charlène ? J'ai pas son numéro. C'est mon intuition qui me dit ça. J'ai pas son numéro, Julien. Donc, pas le numéro de Charlène. Alors, on va diffuser une petite musique comme ça. En attendant, on va pouvoir trouver quelqu'un à appeler. On revient tout de suite pour le point. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la.

pété, le point pété. Vous êtes toujours sur le point pété. Oui, d'accord. Oui, on n'a pas remarqué que la chanson s'était terminée. C'est parce qu'on est pété et que c'est le point pété. C'est pour ça que le point pété est le point pété. Et c'est pour ça que le point pété est génial. On est en ligne avec notre nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour, Jean Pété. Qui êtes-vous? Je suis votre Étienne. Bras droit. Je suis Jean aka Pété, aka Jean Pété. Vous êtes Jean de la Route du Rock. Exactement, oui. Enfin, pas celui qu'on cherche, celui qui est toujours là. Ah oui, ouais, donc l'autre. Celui-là. Celui qui est l'autre. Le Jean Pété, le Jean qu'on cherche, il est chiant parce qu'il est jamais là. Oui, bah le Jean qu'on cherche, enfin, c'est vraiment celui qui est pété. Alors attendez, parce que entre les chansons, je passe au moins 5 minutes à essayer de régler le câble pour que ça grésille pas. Mmh. Et quand on arrive au direct, ça grésille. Alors je vais vous demander de nous raconter, je sais pas, une histoire, un truc. Est-ce que vous connaissez un poème, une poésie, une fable de La Fontaine, un truc? Oui, Le Corbeau et le Renard. Allez-y, pendant que je règle le câble. Ok, alors. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bien fourrage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tend à peu près ce langage. Hey « Hé ! Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » C'est plutôt bien, là. Putain, c'est quoi, après? Ça y est. C'est pas grave, si tu vous rappelez pas de la suite, on a le son. This is the sound. Ok, vous avez le son? Yes. Ouais, ça va. Super. Ça grésille un peu, mais bon. Ouais. Et après tout. Alors attendez, Typhon, Madame Typhon, est-ce que vous pouvez nous. Déjà, c'est le point pété, donc la première question c'est est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus grosse pété? Alors, je sais pas si j'en ai. De plus grosse ou de moins grosse, je sais pas s'il y a de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je veux vous raconter ma pété en ce moment, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui nous ont tendu l'alcool à un moment, quand on était seul chez soi. Grosse pété, je crois que c'est sûrement à Rennes. C'est obligé que ce soit à Rennes parce que je me suis pris des énormes pétés. C'était non seulement des intégrations à la fac, mais c'était des intégrations au sol de la ville, tellement je tombais par terre. Mais sinon, je dirais que le carnaval de Dunkerque serait pas partie d'une des plus grosses pétées. C'est vrai? Ah bah mais oui, non. C'était des grosses. Alors là, vous m'apprenez pétées. Quelque chose. Bah, je pense que... Enfin, c'était des pétées sur la durée. Oui. Après... Il y a la roue du rock. Il y a aussi la... je pense que la route du rock 2014, c'était très grosse pété aussi. Et que pensez-vous de la route du rock 2017? Nul à chier. Putain, alors attendez. Vous êtes du coup, alors pour les gens qui viennent de nous rejoindre sur Radio Bourgon, parce que ce soir on a des nouveaux auditeurs qui sont à Genève, qu'on embrasse bien sûr, bien oui, évidemment. On les embrasse. Bonjour les à Genève, savoir qui est Corona 47. Oui, bien sûr. Coronio 47, qui êtes-vous? Oui, qui on se demande. Décline ton identité et as-tu deux pièces d'identité valides, s'il te plaît? Et as-tu ton attestation? Parce que c'est très important, l'attestation. Et as-tu ton attestation? Oui, oui. Alors, Coronio est en train d'écrire, donc on attend avec impatience. Coronio, au lieu de dire « Ah ah ah, dis-nous qui t'es !» Alors, je remonte un peu sur le Discord, parce que si vous êtes nouveau sur Radio Boncon, je vous informe qu'il y a le Discord qui vous permet de poser des questions à nos intervenants qui sont en direct. Et il y a... C'est vraiment un super outil. Hein. C'est mieux que Word. C'est mieux que tout. Super. Il y a... C'est mieux que tout. Hein. Parce que Word, on pouvait juste parler avec le trombone, là. Tu sais, genre, il nous parlait jadis. J'ai peau. Il y a Manu Jean-Jeanne qui dit Wallenby. Ah putain, mais on reconnaît bien le Manu de Agen là. Comment ça va, Windy? Il y a Corogno 47 qui dit je suis Alpaga. Est-ce que Julien, ça te dit quelque chose? Alpaga, mais oui. Putain, c'est la... Mais oui, c'est en fait, c'est une édition, c'est un éditeur de bouquins qui fait les éditions Alpaga. Donc, c'est des éditions qui font des livres assez un peu poilus. Voilà, édition Alpaga. Achetez ces bouquins. Ok, super, mais ça ne nous dit pas qui il est. Hein. C'est un éditeur de livres. Oui, non, c'est Roman hein, qui est derrière tout ça. Ah, c'est Roman. Oui, oui. Édition Alpaga, c'est... Il parle de tout ce qui est Alpaga, tout ce qui est... voilà, tous des animaux comme ça qui sont grands, et des grands coups, qui ont des gros poils. On sait que c'est un Alpaga, mais on sait pas qui c'est Corogno 47. Oui, exactement. Typhon, merci Julien. J'avais prévu des questions pour mes invités. Oui. Je vais ouvrir le dossier qui s'appelle Point Pet, car j'ai oublié le et. Ah oh, bon, vous avez fait un dossier Point Pet. Oui. Je m'étais dit au cas où. Attendez, sur une échelle de 1 à 10, il est pété à combien, Julien? Julien, est-ce que vous pouvez donner une réponse? Moi, je dirais 7. Moi, je dirais 6, parce que je le connais. Non, en fait, je dirais 8. Je dirais 7,5. Arrête, tu fais exprès, là. Non, 7,5. C'est incroyable. Moi, j'ai une question. Est-ce que Julien louche? Un peu. Franchement, oui. C'est un bon indicateur. Ah là là, là, là. C'est ouais. Le feu. C'est le feu sur le Discord. Merci à tous d'être au rendez-vous sur Radio Boncon. Comme quoi, il faut faire des émissions pétées pour être bien pétées. Attends. Typhon, fermez tous vos gueules sur Radio Boncon. Typhon, j'ai des questions pour toi. Mon document Word est en train de s'ouvrir, mais il y a écrit Microsoft Word ne répond pas. Donc, on va attendre un petit peu. En attendant, est-ce que Julien, il reste de la bière? Non. Il n'y a plus de bière. Il y a du Sky et du Coca. Mm. Et là. Oh merde, dégueulasse. Ah ouais. Moi, je suis pas hyper chaud pour boire du Sky Coca. Ouais, mais on fait avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Je vais peut-être. Je sais qu'il y a une bouteille de vin blanc. En fait, je crois qu'elle était au frais. Elle n'est pas au frais, donc ouais, bon. Là, c'est danger. Allez, c'est parti. Question, est-ce que votre bouteille de vin blanc est au frais avec Hugues? Quoi? Au frais. Attendez. Yes! Voilà. Bon. Monsieur Typhon. Oui. J'ai des questions pour vous. Alors. Moi. J'entends. Quel jour de l'année est né Harry Potter? T'as dit quoi? Quel jour de l'année? Quel jour de l'année est né Harry Potter? Un 31 juillet, je crois. Combien Ron a-t-il de frères? Oh putain. 7 ou 8. Je sais plus. Quelle est l'adresse exacte des Dursley? Waouh, Private Drive 12. Je sais pas. Bravo, vous avez une bonne réponse. Oh putain, c'était laquelle? Donc, Harry Potter est né le 31 juillet, bien sûr. Ok. Il a combien de frères, Ron? Vous m'avez dit 7 ou 8, mais dans les réponses que j'avais, c'était 3, 4, 5 ou 6. Donc, clairement, vous n'avez pas la bonne réponse. Ok, je sais pas. Quelle est l'adresse exacte des Dursley? C'est 6 Private Drive, Little Winning. Oh bah putain, vous pouvez pas me dire quelle page ouvre Rogue 394, voilà. Bon, Jean, merde. Jean Typhon, je vous remercie d'avoir participé à cette première édition du point PT. Bah, je vous remercie aussi, franchement c'est toujours un plaisir de passer sur ma radio préférée, la radio des bons cons. Yes. Bah, merci beaucoup Ophélie, en tout cas je voulais vous dire que c'est un grand plaisir d'avoir votre sœur avec vous car ça me rapproche un petit peu de vous avez c'est super d'avoir un soulard parmi nous là. Je vous propose d'écouter Always Remember Us This Way de Lady Gaga qui est extrait de A Star Is Born. Non. Et je vais faire un oups en direct. Non. Je connais pas. Je vais faire un oups en direct pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le oups, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Bon Con. Bisous Typhon, merci. Merci à vous. À vous. À vous. Burning me and baby wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all chopped up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, John Ryan. Qui veut passer dans le point PTC maintenant? Envoyez vos numéros, on est chaud pour vous parler. The boy with me with you will never die. Envoyez vos numéros pour le point PT. Le point PT, c'est simplement le point PT. I'll always remember us this way. C'est toujours le point pété, excusez-nous, on a des problèmes techniques, mais c'est le point pété, c'est comme ça. On est maintenant en ligne avec un nouveau bon con. Allô ? Bonsoir. Qui êtes-vous, bon con ? Je suis Doug. Doug ? Mais Doug, c'est qui Doug ? Bah, c'est une très bonne question. Si vous avez une réponse, moi je prends. Qu'avez-vous fait, Doug, dans la vie ? Dans la vie ? Oui, dans votre vie pétée. Moi, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai inventé une religion avec le yo. Ah bon ? J'ai fait un concours de ventriglisse qui est sur YouTube. Vous vous êtes cassé le nez, enfin. Pas cassé le nez, mais écorché, oui. Parce que mon nez est rentré en contact avec une paire de testicules. Et qu'avez-vous fait d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Eh ben, plein de trucs. Des trucs, des fois, dont je suis fier et d'autres dont c'est pas forcément une fierté de l'avoir fait, mais j'ai quand même fait. J'ai notamment déjà passé une nuit à dormir dans l'entrée d'un hôtel, bourré. Parce que j'avais pas retrouvé le chemin de ma maison. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre plus grosse pété, Doug ? La plus grosse ? Bah, je pense qu'il y en a... Ou la plus mémorable, celle qui doit être racontée ce soir sur la radio des bons cons. Enfin, ce soir, cette nuit. Bah, déjà, la plus mémorable, c'est un peu réducteur parce qu'il faut s'en souvenir. Et il y en a deux qui se battent en duel. Donc il y a la fameuse fois où j'ai inventé une religion et il y a la fois où j'étais avec donc la religion c'était avec Loyo le Grand et l'autre c'était avec Jenny le Grand quand on était à Avignon et ils se battent d'elle parce que les deux étaient vraiment mémorables parce que prendre une pété avec un le Grand c'est s'assurer de passer une très bonne soirée et donc je pense que celle où il y a le plus d'anecdotes c'est quand même la religion. Et du coup, on était au Portugal en festival avec Loyo. Et on est tombé sur un bout de bois par terre. Et ce bout de bois est devenu un peu notre guide spirituel pendant toute la soirée. Oui. C'est lui qui nous indiquait comment danser, comment juger les gens. Et en fait, on est resté une heure et demie complètement pété avec Loyo le Grand à écouter ce que le bout de bois avait à nous dire. Et est-ce qu'il vous a dit des choses hyper intenses, ce bout de bois ? Bah oui, de toute façon, dès qu'on se saisissait du bout de bois, on sentait toute la puissance cosmique de la planète Terre. Mmh. Et il nous faisait danser comme Jaja, comme on dit. Est-ce que vous auriez une autre grosse pété à raconter à la radio des bons cons ? Bah il y a du coup la deuxième, celle avec Johnny, où il y a juste le retour en gros, donc c'était un festival. Et très tard le soir, à un moment donné, il faut rentrer à la voiture pour dormir, parce que bah il faut bien dormir dans la vie, sinon après on est fatigué. Oui. Et donc on était très pétés, et moi je me souvenais du chemin pour aller jusqu'à la voiture, et Johnny était trop pété qu'il s'en souvenait pas. Et du coup je le guide, il me suit, puis sans trop poser de questions, puis au bout de même pas 5 minutes, il commence à douter de ma capacité à trouver le chemin. Donc, toutes les 30 secondes, il me demandait « Mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le bon chemin ?» Et donc, moi, d'une patience incroyable pour une fois, je lui ai dit « Oui, t'inquiète, c'est le bon chemin. » Et donc, un quart d'heure après, on arrive enfin à la voiture. Et puis là, il fait « Non, mais là, c'est sûr qu'on est perdu. Jamais on retrouvera la voiture. » Et là, je fais « Mais si, regarde, elle est juste à côté. » Et du coup, là, il voit la voiture, il écarquille les yeux, il fait « Mais non ! » Et moi, j'ai fait « Eh si, mon pote. » Et voilà. Et après, il a été subjugué, il s'est endormi tout de suite après, en étant étonné, émerveillé, et bien sûr, en ayant faim, parce que c'est génial. Est-ce que vous avez faim ? Bah, là, je viens de me faire une demi-pizza, et je suis sur le point de me faire l'autre moitié. Oh, bâtard ! C'est une pizza, quoi ? Non, là, c'est full fromage. Parce que je vous avoue que j'ai pas mangé, moi. Eh ben, il faut manger, c'est important. Je suis un peu chaud pour... Alors déjà, j'ai très envie de faire pipi.

Point pété. Julien est de retour dans le point pété. Alors Julien, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as quitté le point pété? Parce que j'étais trop pété. Pour de vrai. Est-ce que Doug, t'es hyper pété? Donner à manger au chat. Sur une... Attends. Doug, sur une échelle de... Non, quoi, on me coupe la parole comme ça. Oh, mais non, mais notre invité, c'est Doug. Ok. Doug, vas-y, sur une échelle de pété à pas pété, à quel point t'es pété? Pas pété à Tahiti? Ouais. Pardon. Non, ça va, je suis quand même sur une pétence un peu contrôlée parce que voilà, il faut se ménager. Mais là, le deuxième pastis, le risque de me faire basculer à l'hyperpétence quand même. Ouais. Le deuxième. Ah oui, non, mais c'est parce qu'en gros, je bois du pastis parce que le goût de la bière commence à me saturer. Alors, Julien vient de dire... J'ai bu pas mal de bière. Je sais pas si, Doug, vous avez entendu, Julien il vient de dire « Moi, je tangue ». Il tangue. Ouais. Et il tangue à tribord ou à bâbord? Bah, je sais pas. Mais il y a Hubert Félix Tiffon qui vient de dire sur le Discord « Sur une échelle de 1 à Julien, vous êtes pété comment ?» Jusqu'au... C'est-à-dire, t'as fait 5 sur 7. Allez, ça. Vous êtes quoi? Julien, il y a 7 lettres. Donc, je suis pété jusqu'au E. Et donc, ça fait 5 sur 7. D'accord. C'est quand même beaucoup, hein? Bah, non, parce qu'après, en fait, l'échelle du Julien, qu'on dit pas, c'est qu'après, il y a plusieurs G. C'est pas Julien, c'est Julien, gang. Julien ou Julien? Tu peux te péter jusqu'à 15 sur 7, par exemple. Et en fait, à partir du moment où tu dépasses le premier G, souvent, t'as plus la pétence. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, je suis à 5. Peut-être c'est bien. Plus. C'est un beau chiffre. Bon, j'ai réussi. Je suis en train d'un peu bidouiller le logiciel avec lequel nous faisons les directs. Bidouiller. Oui, et j'ai l'impression que j'arrive à mettre quelques chansons quand même. Donc, je sais pas. Alors, je vais faire un... Est-ce que vous êtes chaud pour continuer le point pété? Est-ce que vous êtes pas chaud? On est à 10 auditeurs. 10 auditeurs, c'est plutôt... Qu'est-ce que t'en penses, Julien? 10 auditeurs. C'est plutôt 10 que mieux que deux fois qu'une. Dis-nous, quoi? C'est plutôt 10 que mieux que deux fois qu'une. Ok, on devrait faire le point pété. Attends, oui, Chloé a une très bonne idée. Julien, fais un oups. Je fais un oups en direct? Ouais. Ok. Alors, Doug, attends. Doug, on vous embrasse. On vous remercie pour votre participation à cette émission. Mais merci de m'avoir accueilli. Ah, mais on vous retrouve bientôt, je pense. Bah, que ce soit dans le point pété ou ailleurs, oui. Surtout lundi matin. Dans la matinale. Oui, c'est vrai. Putain, ça fait 17 minutes qu'on est avec vous. Mais non. Mais si, je vous jure. Si, on est avec vous. Ça passe vite. Gros bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Alors, c'est parti pour le oups de Julien. Alors, Julien, tu veux quoi comme oups? T'as une idée? Est-ce que Emmanuel Moir, mon essentiel, ça te dit comme oups? Pas du tout. Qu'est-ce qui te plairait? Pas du tout. Un Radiohead? Pas du tout. Un Radiohead? Non, oui, peut-être. Yeah. Non, mais j'ai le choix ou pas? Je sais pas, on va voir, je sais pas. Alors, ça. Je te propose Heartbreaker de Metronomy, je te propose From Disco to Disco. Oui, c'est déjà un oups. Je te propose Encore et Encore de Francis Cabrel. Je te propose... Femme Like You, de Camaro. Femme Like Oops. Tu veux Femme Like Oops? Ouais, non, vas-y. Je te propose... Attends, bah, j'ai 100, je vois ce que j'ai. Allez, il arrive. So Yesterday, de Ouais. Tu veux ça? Ouais, carrément. Ok, attends. Bah attends, faut que j'arrive à la mettre. C'est so ça qui est compliqué. Yesterday. So Yesterday. Ok, ça marche pas. Donc, on a des problèmes avec le logiciel. Donc, je vais mettre ça avec mon portable et tu vas l'entendre. Je mets So Yesterday, du coup, de Hilary Duff. T'es prêt, Julien, pour faire un... Tu fais un oups, hein. Ok. Moi, ouais, je fais comme si je faisais un karaoké, quoi. Mais bon, voilà. Mais t'as pas les paroles, hein. À cette heure-ci... So yesterday. Attends, j'ai envie de prendre le micro dans ma main. You can change your mind. Everyone I want to change your mind. Everyone I want to change your mind. What I could have to bend your brain. Everyone I want to change your brain. Benjamin, get together, Benjamin. Maybe not today. Ready go, where? Where'd you go without a kiss? So yesterday. I'm just a girl and I'm gonna be away. Ready go, ready go, where? But you come without a beast. So yesterday. I'm just a girl and I'm gonna be okay. Okay. If you wanna, wanna change your mind. If you wanna change your mind. And you wanna, wanna change your mind. What am I told me? When the winter feelings towards me. Do you see a man? Then it's not today. Cause let it go, let it go away. Don't you know the battlefield? So yesterday. I'm just a girl, I'm out of the way. Let it go away. But it goes when it feels so yesterday. I'm just a girl, I'm gonna be okay. Le petit pont des années 90, toujours le même. Avril Lavigne, pareil. If you want to number that is on it, not never when it's enough. At least not today. Cause and you got ready the way. But you got ready me so yesterday. I just wanna watch out of me the way. We're not ready for a way. But Scott's ready to be so yesterday. What is going to burn when it's in the way? It's going away. C'est fini, on appelle notre nouvelle invitée. So yesterday. Je te coupe. On appelle notre nouvelle invitée, désolé, hein. Allô ? Allô, Olympe, comment allez-vous ? Très bien, très très bien, j'entends. Il y a Julien qui veut pas se taire. Julien, cher co-animateur, est-ce que vous pourriez vous taire pour que je puisse entendre mon invité, Olympe ? Ok. Chut, Julien, s'il vous plaît. On écoutera Avril Lavigne tout à l'heure. Bon, j'ai coupé son micro, mais on l'entend quand même. Du coup, Olympe, vous vouliez partager avec nous une recette? Oui, tout à fait. Alors là, on est en direct sur la radio des Pompons. On est en direct. D'accord. Eh bien, oui, je voulais partager une recette avec vous parce que depuis 2-3 jours, on est un peu malade. On a mal à la tête, on est fatigué, on a un peu des courbatures. Du coup, j'ai appris il y a un jour à faire du grog. Le grog, c'est une boisson qui fait beaucoup de bien, qui peut peut-être parfois donner la gueule de bois si on en abuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le grog, c'est faire bouillir de l'eau avec du citron et du gingembre. Vous mettez un peu de sucre. Il y a deux manières de faire le grog, il paraît. C'est soit vous faites chauffer le rhum avec l'eau, soit vous faites juste chauffer l'eau et après vous rajoutez le rhum. Et moi, je préfère la version grog parce que si on le fait chauffer, on perd le côté plaisir de l'alcool. Et ça soigne et ça fait du bien. Et voilà. Et moi, il est 18h et je vous suis depuis le début de la soirée pétée. Et je suis un peu pétée avec vous. Et du coup, je suis très contente. Oui, du coup, parce que pour les auditeurs qui ne savent pas, Olympe, vous êtes en Colombie. Oui, ah. C'est ça, toujours. Toujours en Colombie. Parce qu'on vous a eu. C'était quand ? C'était hier. Non, avant-hier. Mais c'était hier matin. Hier matin, oui. Justement, j'avais bu du grog et que c'était un peu peut-être trop de grog et que quand je vous ai eu, c'était difficile. Mais là, ça va beaucoup mieux. D'accord. Mais en tout cas, vous me donnez envie de me faire un petit grog parce que voyez-vous, je n'ai plus de bière. Il y a du whisky, mais je suis pas très whisky. Et Julien est en train de se faire chauffer des pattes tout seul parce que Julien est... Quand Julien est bourré, c'est vraiment un autre homme. C'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment incroyable. Vous devriez voir ça. Julien, écoutez, Julien. Madame Ophélie, je vous conseille grandement de vous faire un petit grog. Comme ça, ça vous fait un petit remontant pour la suite de cette soirée d'été. Et c'est bon. Et c'est chouette. Et rigolo en plus. Donc, on a tout gagné, je crois. Ouais, je pense aussi. Hein. Le grog. Est-ce que Julien, vous connaissez le grog ? Oui. Et n'oubliez pas de faire pipi dans la rasoir. Julien. Oui, c'est important. Est-ce que Olympe, vous faites pipi dans la rasoir ? Je fais pipi dans la rasoir dès que j'en ai l'occasion. Et qui vous a dit que faire pipi dans la rasoir était quelque chose de bien pour le potager ? C'est qu'en fait, je suis une fervente fan des astuces de grand-mère et sur www.astucesdegrandmère.com, on nous dit et on nous répète que pisser dans l'arrosoir est bon pour la santé. D'accord. Alors moi, je tiens à préciser que dans les toilettes à la maison, il y a une bouteille de Salvetta juste à côté de la cuvette dans laquelle Julien pisse tous les jours. Et ensuite, écoutez, il faudrait demander à Astuce de grand-mère, mais je pense que ça doit sûrement être une bonne chose. Bah, je pense également que c'est une bonne chose. Et tout à l'heure, j'ai voulu pisser dans le potager, mais j'étais vraiment trop à la vue de tous. Ah, et ça pèse énormément. Mais en même temps, chez vous, si je ne me trompe pas, il fait nuit. Donc, pisser dans la nuit permet beaucoup de choses. Mais il faisait jour à ce moment-là. Alors, dites-nous. Olympe, vous avez bu combien de grog aujourd'hui ? J'en suis seulement à mon troisième. Mais un grog, c'est à peu près moins d'un litre d'eau pour plus des trois quarts d'une bouteille de rhum. Donc, donc, sous personne de la corpulence, bien sûr, c'est plus ou moins efficace. Tiens à préciser, j'ai eu le débat avec un certain Loyo Jean-Ri tout à l'heure, que je suis à 3000 mètres d'altitude et que, effectivement, le rapport qualité-cuite n'est pas le même que chez nous en France, où je ne sais pas à combien d'altitude on est, mais beaucoup moins. Et la cuite n'est pas la même. Oui. Voilà. Ça change quoi, exactement ? Les lendemains sont particulièrement difficiles. Ah bon ? Particulièrement difficiles, très très. Et la montée en elle-même ne se voit pas. C'est-à-dire, on boit un verre et puis paf, et on est bourré. Et c'était pas prévu. Et, putain. On fait avec, du coup. Oh là là. Olympe, je vais essayer de joindre quelqu'un qui est sur le Discord de la radio des Bourgons qui s'appelle Coronio47. Et je ne sais pas qui c'est, mais on va essayer de joindre cette personne parce qu'on veut avoir son avis sur cette radio, surtout sur la radio des Bourgons. Et puis, On va essayer de faire le grog. Écoutez, ben, très bien, de toute façon, je vous suis. Et du coup, avant de vous quitter, Madame Ophélie Soucault, je voudrais rappeler et je voudrais faire une dédicace à tous les bénévoles de l'ombre de la route du rock. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous. Mais de rien, c'était un plaisir. Gros bisous et bonne pétée à vous. Ah, merci. pété, le point pété. Le point pété, ce point pété. C'est le point pété. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui. Vous êtes toujours dans le point pété sur la radio des bons cons et je suis en ligne avec un nouveau pété. Qui êtes-vous, pété? C'est Gabiche, Progo et Corogno 47, pété. Oh. C'est vous le Corogno 47? Aïe, direct. Ça veut dire quoi, Corogno? Le Corogno, Corona, Covid-19, Corona, Corogno 47, cocotte. Est-ce que Corogno et ça a un rapport? Bah, les couilles. Corogno. Je sais pas pourquoi, moi Corogno, ça me fait penser à des couilles. Non, c'est ok. Coronesse, je sais pas. C'est vrai, pourquoi? Et voilà. Et Corogno, Coronesse, Covid-19, Corona 47. Et voilà. En tout cas, vous nous avez bien eu sur le. Moi, je me demandais qui vous étiez. Ah, on se demandait bien qui c'était. Et du coup, alors, on a eu en début d'émission, le début d'émission, c'était il y a déjà 1h30, ce qui est énorme dans une PT. C'est énorme dans une PT. On a eu en début d'émission Charlène qui nous racontait sa plus grosse PT au carnaval de Dunkerque. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que où en est Charlène maintenant? Ah, l'évolution de la pété de Charlène est assez monstrueuse, c'est ça? Il y a eu comme une ascension volcanique à plusieurs reprises. Voilà. Tellement je l'ai en face, elle boit de l'eau. Ah, on aimerait bien voir ce que vous voyez. Je pourrais prendre des photos demain matin du trottoir sur lequel elle vomit. Le trottoir, vous avez dit? Ah putain, les pâtes vont cuire trop. Alors attends. Ah, vous faites des pâtes? Ouais, je suis en train de faire des pâtes. Ouais, je suis un peu ambiance Julien, moi. Oui, parce que alors, Julien, il est quand il commence à être pété, il est ça devient un Julien hyper égoïste, hyper méchant. Ah ouais, non, je suis pas comme ça. Je suis pas égoïste. Ah. Non, je suis différent. Parce que lui il s'est servi toutes les pâtes, il est en train de les manger dans le lit là, tu vois, avec du ketchup, du pesto, tout ça, tu vois, tous les meilleurs. Sérieux trucs. Ah mais oui. Quelle enfoirée, il les égoutté. Elle en veut, mais ça m'étonnerait parce qu'elle est quand même un peu trop rabatteuse. Prénom Tiffon, j'ai... Tiffen, mais personne l'appelle Tiffen. Ah, mais alors non, attends, comment je me rappelle plus. Je me rappelle très bien de sa tête, mais j'ai complètement oublié son prénom. Bah, Tiffon. Celle qui était à côté de toi, donc, pour rendez-vous, c'est exactement, ça. Exactement, exactement. C'était un super moment. Voilà. Elle... On était... Comment? Elle disait un truc. Temps, je me rappelle plus ce que c'était. On disait, c'est mon ex-mari. De quoi? On disait, mon ex-mari. Mon ex-mari, voilà, c'est ça. Complètement con. Exact. Alors, c'est parce que Charlène était en train de faire un jeu où il fallait deviner des trucs. Et nous, on disait, on était très fagnardant à ce moment-là. On avait un truc avec fagnardant. Du coup, on disait, Mon ex-mari. Parce que ça allait très bien à Fagnardant. Chers auditeurs de Radio Boncon. Et ouais, putain. Ah. En tout cas, oui, écoute, n'hésitez hésitez pas. Hein. On a une matinale presque tous les jours, du lundi au vendredi, on a une matinale parce qu'il faut pas déconner. Il y a Arcel, de toute façon, la matinale, faut pas. Mais ouais, vrai. On a le point conf tous les jours entre 16h et 17h, et maintenant on a le point pété. C'est nouveau et ça a l'air pas mal. Alors, c'est le premier point pété, hein, je tiens à te le dire, c'est le premier point pété. Écoutez de près, mais je suis honoré que tu nous appelles, c'est plaisir. Putain, puis alors là, double dose. Alors, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de faire le point pété quand on est pété, mais c'est un peu le charme aussi du point pété. À la fois, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse pété? Parce que c'est la première pété, question du point pété. Là, c'est compliqué à raconter. Parce que je ne me rappelle pas vraiment. T'es pas obligé de raconter ta plus grosse pété, tu peux raconter une pété de ton choix. Une pété de mon choix. C'est non, c'est trop compliqué. Je peux pas raconter ça en public. Il y a trop de monde qui nous écoute. Non, il y a pas tant de monde que ça. Écoute, j'ai les auditeurs. On est 10 auditeurs. C'est pas énorme. Tu peux raconter. 10 auditeurs, mais c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Après, t'es pas. Tu peux raconter une pété qui est pas non plus. Je sais pas. Moi, par exemple, si je devais raconter une pété, ce serait la pété au château. Ah, l'anniversaire de Fred. Ah oui, putain, qu'est-ce que t'avais fait? Raconte-nous. Alors, je me souviens avoir pris un bain avec Julie. Oui. Et après, tu vois, on a pris un petit bain parce qu'en fait, on a découvert que dans le château où on était, il y avait des baignoires avec des jets, et du coup on a fait waouh, et des lumières et tout, on s'est dit mais incroyable, il faut qu'on prenne un bain. C'est du coup vrai. On a pris un bain avec une bouteille de rouge, on a bien défoncé la bouteille de rouge, et ensuite waouh, I have no memory. Je me rappelle de ça. Ensuite, et après, les go-go, exactement, les go-go. Exactement. En fait, c'est que je suis sortie de la baignoire. J'ai fait ma petite soirée, mais pas très longtemps, parce que Julien... En fait, Sylvie, elle m'a vu, elle m'a dit « Dis donc, toi, faut que t'ailles te coucher. » Du coup, elle a dit à Julien « Julien, il faut que tu couches Ophélie. » Du coup, Julien, il m'a couché. Et moi, je me suis réveillée, genre, quelques heures après, en mode « Non, non, non, on me couche pas, moi, on me couche pas. » Et du coup, je me suis mis la péter, mais de ma life. Je me rappelle de ça. Tu sais qu'au moment, justement, parce que tu parles de quand Julien t'a couché, mais en fait, on était là. Moi, j'étais là avec Charlène, qui était à l'antenne tout à l'heure. Et on était là, on t'a couché avec Julien, justement. Et ta gueule était géniale. Parce que tu te réveillais, mais genre toutes les 4 secondes, et tu nous regardais avec une espèce de regard livide. Parce qu'on dormait tous les 4 dans la même chambre, en fait. Julien, Charlène, et moi, et toi. Et c'était assez violent de te voir dans cet état. Et effectivement, tu t'es réveillé finalement avant qu'on se couche pour repartir. C'est assez drôle. Oui, parce qu'en fait, en fin de compte, j'avais décidé que je voulais pas me coucher, quoi. C'était no. C'était ce soir, c'est ma soirée. En fait, je crois que je m'étais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis une petite pétée, que je m'étais dit. Et... En effet, ça gagne, je crois que. Bon, je suis sûr que t'as des trucs très intéressants à raconter, mais peut-être pas ce soir. Peut-être que tu. Faut regarder pour les autres, ouais, exactement, pour les autres fois. Exactement, pour les prochains points pétés. C'est l'échauffement. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous les auditeurs et à Ophélie et à Julien qui est en train de manger ses pâtes dans son lit. Ouais, mais je vais aller le rejoindre pour manger quelques pâtes quand même parce que faut pas déconner, mais moi j'ai pas mangé. Oh putain. Bon, bon courage pour rattraper tout ça. Merci. Gros bisous. Ouais, à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi ce premier point pété. C'était sympathique. On se retrouvera pour un prochain point pété, je sais pas quand. Mais si vous avez aimé, dites-le nous. Si vous avez pas aimé, dites-le nous aussi, parce que si vous avez pas aimé, on le refera pas. En tout cas, moi, j'avais très envie de faire un point pété. Et bah voilà, passez une bonne soirée, une bonne nuit. On peut faire des Skype si vous avez envie, parce que moi je suis bien OP pour faire des Skype, parce que même si je vais aller manger mes pâtes dans le lit, je suis chaud pour boire une bière, même s'il n'y a plus de bière, je vais trouver un truc. Je trouve toujours quelque chose à boire, parce que je suis une soulard. Et gros bisous, je vous laisse avec mes meilleurs jingles. Pété, pété, pété, pété, pété, pété, le point pété. Point pété, ce point pété. C'est le c'est le point pété. Le point pété, c'est le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui. Chill.